onzième station, Jésus est attaché à la croix. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. L'homme-Dieu est étendu sur l'instrument de son supplice. Ses bourreaux lui enfoncent à grands coups de marteau, dans les pieds et les mains, les énormes clous par lesquels il doit rester suspendu. Ils élèvent le bois infâme et le font tomber dans le trou qui lui a été préparé. Alors tout le poids du corps de Jésus élargit ses plaies, fait couler son sang avec plus d'abondance et aggrave incessamment ses douleurs. Le Sauveur crucifié est placé entre deux larrons, comme l'être le plus odieux et le plus criminel. Il voit partager ses vêtements et tirer sa robe au sort. Témoin de la joie insultante de ses ennemis, il entend tous leurs blasphèmes et ne laisse pas néanmoins de prier pour eux. Dans l'horrible soif qui brûle ses entrailles, il est abreuvé de vinaigre. D'une autre part, son cœur est brisé par la douloureuse agonie de sa sainte mère, qui se tient debout au pied de la croix, les yeux fixés sur son fils, et l'âme transpercée d'un glaive. Il comprend l'affliction de cette tendre mère, et il n'a pas d'autre consolation à lui donner que ces paroles par lesquelles il substitue saint Jean à sa place. « Femme, voilà votre fils, et vous, voilà votre mère. » Enfin, d'épaisses ténèbres couvrent pendant 3 heures toute la terre, et des ténèbres plus horribles encore oppressent l'âme de Jésus. Il souffre intérieurement une désolation extrême, une angoisse mortelle, l'abandon de son Père céleste, et il s'écrie « mon Père, pourquoi m'avez-vous abandonné ? Ô Jésus, voilà donc comme vous payez mes dettes, comme vous réparez mes offenses. Vous avez satisfait à la justice divine par l'immensité de votre amour, la valeur infinie de vos actions, l'universalité et l'excès de vos peines. Désormais, vous connaissez par expérience tous les maux qui pèsent sur l'humanité. Vous les avez portés dans votre chair adorable. Vous êtes vraiment l'homme de douleur. Et moi, n'apprendrai-je point de vous la nécessité de satisfaire moi-même à votre justice? Oserais-je me plaindre de cette loi rigoureuse, après que vous, ô Jésus, avez tant souffert pour moi? Les œuvres satisfactoires ne me sont-elles pas nécessaires pour me faire mieux sentir la malice de mon cœur, m'inspirer plus d'horreur du péché, mettre un frein salutaire à mes passions, me rendre à l'avenir plus précautionné et plus vigilant sur moi-même? Ne sont-elles pas nécessaires pour effacer les funestes traces de mes fautes, corriger à force d'actes de vertu mes mauvaises habitudes, surtout pour apaiser la colère de Dieu et détourner de moi ses vengeances? Ô Jésus, donnez-moi l'esprit de compunction et le courage d'embrasser une vie pénitente. Par votre grâce et pour l'amour de vous, je veux me punir de mes fautes passées, vous rendre autant qu'il est en moi l'honneur que je vous ai ravi. Je veux chercher dans les œuvres de la pénitence et le remède à ma faiblesse et la sauvegarde de ma vertu. Pour cela, je ne me contenterai pas des prières, des jeûnes, des aumônes qui me seraient imposées au tribunal de la réconciliation. Satisfaction, hélas, trop légère. Je veux animer toutes les œuvres de ma vie de l'esprit de compunction. Je veux produire de dignes fruits de pénitence, des fruits capables de payer complètement mes dettes et de satisfaire à votre justice. Des fruits qui me préservent des rechutes, fortifient et augmentent en moi la vie spirituelle. Des fruits mûris par la sève de la grâce sanctifiante et les ardeurs d'un saint repentir. Ô mon divin Maître, faites-moi la grâce de souffrir à votre exemple en union avec vous, de sanctifier mon expiation par la vôtre, d'accomplir ce qui manque en ma chair à vos souffrances, car vous seul, Seigneur, pouvez donner du prix à ma pénitence et à ma patience dans les travaux, les épreuves et les afflictions. Vous seul pouvez me soutenir dans cette voie étroite qui mène à la vie. Faites-moi la grâce, ô Jésus, afin qu'en souffrant avec vous pour l'expiation de mes fautes, je mérite d'être un jour glorifié avec vous. Dire à notre Père et un Je vous salue Marie. Mère sainte, accordez-moi cette grâce, imprimez fortement en mon cœur les plaies de mon Dieu crucifié. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, aujourd'hui et toujours, comme dès le commencement et dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Ainsi soit-il. Être avec vous près de la croix, m'associer de toute mon âme à votre deuil, c'est tout mon désir. Mère sainte, accordez-moi cette grâce, imprimez fortement en mon cœur les plaies de mon Dieu crucifié.